Alors, rappelle-moi comment on dit bon. Bono. Attention au premier O, il y a quelque chose devant. Ah oui, buono. C'est ça, B-U-O-N-O, buono. Et donc, c'est très bon, se dit... È buono. C'est très bon. È molto buono. È molto buono. Oui. Si vous voulez dire vraiment, c'est proprio. P-R-O-P-R-I-O. È proprio buono. Dites maintenant, c'est vraiment comme ça. È proprio così. È proprio così. Tous les mots qui en français se terminent en ENT ou ANT ont une terminaison presque identique en italien. ENT donne ENTE. ENTE. Et ANT, ANTE. ANTE. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de son AN en italien et qu'il faut bien prononcer le N de ANTE et ENTE. Donc, comment diriez-vous? C'est très différent ainsi ou comme ça? È molto differente così. Differente, avec deux F, comme en français. Differente. È molto differente così. È molto differente così. Così s'emploie aussi pour dire si devant un adjectif. Par exemple, ce n'est pas si différent. D'ailleurs, comment direz-vous ça? Ce n'est pas si différent. Non è così differente. Voilà. Non è così differente. Et dites-moi, c'est si bon. È così buono. È così buono. Alors, continuons. Vous allez dire, ce n'est pas si différent comme ça. È non, non è così differente così. Très bien. Non è così differente così. Comment traduiriez-vous maintenant le mot important? Importante. Importante. Alors, maintenant, vous pouvez traduire, c'est très important pour moi. È molto importante per me. È molto importante per me. Mm-hmm. Et dites-moi, je veux le savoir, ou plutôt, je dois le savoir, parce que c'est très important pour moi. Devo lo sapere, non. Dove saperlo per... dove veut dire où. Devo. Oui, reprenez, je dois le savoir, devo. Devo saperlo perché... Perché? C'est très important pour moi. Perché è molto... Faut dire molto. Oui. Molto... Devo saperlo perché è molto importante per me. Oui, voilà. Devo saperlo perché è molto importante per me. Alors, encore une fois, dites-moi, je veux le savoir. Voglio saperlo. Voglio saperlo, avec un P. Au lieu de dire « je veux », on peut dire aussi, plus poliment, « je voudrais ». En italien, c'est « vorrei », V-O-2-R-E-I, avec deux R qui s'entendent distinctement. « Vorrei ». « Vorrei ». « Vorrei », en roulant les R. Alors, comment diriez-vous « je voudrais le savoir »? Vorrei saperlo. Vorrei saperlo. Vorrei saperlo. Oui, c'est ça, vorrei saperlo. Donc, voglio, c'est je veux. Et vorrei, qui s'emploie beaucoup en italien, tout comme son équivalent français, c'est je voudrais. Vorrei. Vorrei, je voudrais. Alors, reprenons. Je voudrais le savoir. Vorrei saperlo. Vorrei saperlo. Et dites-moi, je voudrais venir avec vous. Vorrei venire con... Le vous du vouvoiement, c'est... Lei. Vorrei venire con lei. Voilà. Vorrei venire con lei. Et comment traduiriez-vous « je voudrais aller en Italie » ? Vorrei andare in Italia. Voilà, vorrei andare in Italia. Si vous voulez dire « je voudrais y aller », il y a un petit mot pour traduire « i » qui est « ci ». C'est « i ». Je vous rappelle que le « c » se prononce toujours « ch » devant un « e » ou un « i ». Ce « ci », on le colle derrière le verbe, ce qui donne « andare », « aller » et « andarci », « y aller ». Donc, dites-moi, je voudrais y aller avec vous. Vorrei. Vorrei. Vorrei. C'est ça, on insiste sur la fin du mot et on prononce bien les deux R. Je voudrais y aller avec vous. Vorrei andarci con lei. Vorrei andarci con lei. Bien. Maintenant, comment diriez-vous « Je voudrais aller le voir avec vous ce soir ». Rappelez-moi comment on dit « aller voir ». Andare a vedere. Très bien. Andare a vedere. Et donc, je voudrais aller le voir. Vorrei andare a vederlo. Oui. Avec vous ce soir. Con lei stasera. Très bien, oui. Vorrei andare a vederlo con lei stasera. Vorrei, je voudrais. Puis, aller, andare, suivi de a et du verbe à l'infinitif avec lo, vederlo. Donc, andare a vederlo.